de leur vision du pédestal. Autant de masses improvoquées au nom du mystique puissant. S'octroyer ainsi le droit des mains de briser, s'octroyer ainsi le droit des mains de tuer, juste pour se laver les mains. Les légions de zombies se lèvent, c'est la folie de certains. Et voici aujourd'hui toute cette ronde dont nous sommes tous responsables. Car je suis sûr que tu l'as vu danser autour d'un vaste incendie. Cette tache noire qui recherche sa pureté pour bien nous brûler. Des légions de zombies se lèvent, c'est la folie de certains. À la main de Dieu en Algérie, de la blanche arctique au glacier millénaire de l'Antarctique. Par le casque ou le fer, n'importe qui pourra donner ses réponses. N'importe qui pourra justifier sa colère. Juste dire, moi, je soumets la mort. Moi, je veux déjà la vérité.